Paris, 18 février, vendredi soir. Ah, merci du fond du cœur, cher maître. Vous m'avez fait passer une journée exquise, car j'ai lu votre dernier volume, La Tour de Persemont, Marianne, aujourd'hui seulement. Je trouve cela parfait. Deux bijoux. Marianne m'a profondément ému, et deux ou trois fois j'ai pleuré. Je me suis reconnu dans le personnage de Pierre. Certaines pages me semblaient des fragments de mes mémoires. Si j'avais le talent de les écrire de cette manière. Comme tout cela est charmant, poétique et vrai. Vous ne m'avez jamais fait que du bien à vous, et je vous aime tendrement. Maintenant que j'ai fait mon compte, je vais en faire un autre. Et puis j'ai moins d'argent, moins envie d'en gagner. Du moment qu'une chose serait profitable à mes intérêts pécuniaires, elle me révolte comme si c'était une bassesse. Est-ce de l'orgueil? Je le crois. Et vous? Tourgueniev me sermonne pour que je reprenne au plus vite mon grand bouquin sur mes deux cloportes. Il en est toqué. Mais les difficultés d'un pareil livre m'épouvantent. Et pourtant, je ne voudrais pas mourir avant de l'avoir fait, car en définitive, c'est mon testament. Dans 4 ou 5 mois, je m'y mettrai peut-être. J'ai si peu d'aplomb dans ce moment-ci. Adieu, cher bon maître. Baisez bien pour moi, les chères petites. Votre vieux qui vous chérit. Non, 6 mars. Je t'écris en courant ce matin parce que je viens de recevoir de Monsieur Perrin avis de la première représentation de la reprise du Mariage de Victorine, une pièce de moi, au Théâtre Français. Je n'ai ni le temps d'y aller, ni l'envie de partir comme cela au pied levé. Mais j'aurais voulu y envoyer quelques amis, et ils ne m'offrent pas une seule place pour eux. Je lui écris une lettre qu'il recevra demain, et je le prie de t'envoyer au moins un orchestre. Paris, 8 mars, mercredi 1h. Succès complet, cher maître. On a rappelé les acteurs après tous les actes et chaleureusement applaudi. On était contents. Et de temps à autre, des exclamations s'élevaient. Tous vos amis venus à l'appel étaient contristés que vous ne fussiez pas là. Votre pièce m'a charmé et fait pleurer comme une bête. Je devais partir ce matin pour Pont-l'Évêque et Honfleur afin de voir un paysage que j'ai oublié, mais les inondations m'arrêtent. Lisez donc, je vous prie, le nouveau roman de Zola, Son Excellence Rougon. Je suis bien curieux de savoir ce que vous en pensez. Je vous embrasse bien fort, votre vieux Cruchard. Nohant, 25 mars. J'aurais beaucoup à dire sur les romans de Monsieur Zola, et il vaudra mieux que je le dise dans un feuilleton que dans ma lettre. Rougon est un livre de grande valeur, un livre fort, comme tu dis, et digne d'être placé au premier rang. Cela ne change rien à ma manière de voir que l'art doit être à la recherche de la vérité et que la vérité n'est pas la peinture du mal. Elle doit être la peinture du mal et du bien. Un peintre qui ne voit que l'un est aussi faux que celui qui ne voit que l'autre. La vie n'est pas bourrée que de monstres. La société n'est pas formée que de scélérats et de misérables. Les imbéciles dominent, c'est vrai. Mais il y a une conscience publique qui pèse sur eux et qui les oblige à respecter le droit. Comment vas-tu, toi? Tourgueniev m'a écrit que ton dernier travail était remarquable. Tu n'es donc pas fichu comme tu le prétends. Ta nièce va toujours mieux, n'est-ce pas? Moi, je vais mieux aussi. Après des crampes d'estomac en devenir bleu, et cela avec une persistance atroce. C'est une bonne leçon que la souffrance physique, quand elle vous laisse la liberté d'esprit. On apprend à la supporter et à la vaincre. On a bien quelques moments de découragement où l'on se jette sur son lit. Mais moi, je pense toujours à ce que me disait mon vieux curé quand il avait la goutte. « Ça passera ou je passerai. » Et là-dessus, il riait, content de son mot. Nous avons un sacré printemps. La terre est jonchée de fleurs et de neige. On prend l'onglet à cueillir les violettes et les anémones. Je t'embrasse et je t'aime. Fais donc vite paraître ta légende que nous la lisions, ton vieux troubadour. Paris, 3 avril, lundi soir. Cher maître, je suis bien aise que le Jack de Daudet vous ait plu. C'est un charmant livre, n'est-ce pas? Cependant, je ne partage pas la sévérité de Tourgueniev à l'encontre de Jack, ni l'immensité de son admiration pour Rougon. L'un a le charme et l'autre la force, mais aucun des deux n'est préoccupé avant tout de ce qui fait pour moi le but de l'art, à savoir la beauté. Je me souviens d'avoir eu des battements de cœur, d'avoir ressenti un plaisir violent en contemplant un mur de l'Acropole, un mur tout nu. celui qui est à gauche quand on monte au propylée. Eh bien, je me demande si un livre, indépendamment de ce qu'il dit, ne peut pas produire le même effet. Dans la précision des assemblages, la rareté des éléments, le poli de la surface, l'harmonie de l'ensemble. N'y a-t-il pas une vertu intrinsèque, une espèce de force divine, quelque chose d'éternel, comme un principe? Je parle en platonicien. Ainsi, pourquoi y a-t-il un rapport nécessaire entre le mot « juste » et le mot « musical » ? Comme il est difficile de s'entendre. Voilà deux hommes que j'aime beaucoup et que je considère comme de vrais artistes, Tourguenieff et Zola. Ce qui n'empêche qu'ils n'admirent nullement la prose de Chateaubriand et encore moins celle de Gautier. Des phrases qui me ravissent leur semblent creuses. Tout cela m'attriste beaucoup. Votre vieux. Nohant, 5 avril. J'ai lu Fromont et Rissler. Je te charge de remercier Monsieur Daudet. C'est attachant. Je dirais presque clouant. Je t'embrasse et je t'aime. Quand donc me feras-tu lire du Flaubert ? Paris, 29 mai, lundi soir. J'ai beaucoup travaillé dans ces derniers temps. Comme je voudrais vous voir pour vous lire ma petite bêtise moyenâgeuse. J'ai commencé un autre conte intitulé « Histoire d'un cœur simple ». Mais j'ai interrompu ce travail pour faire des recherches sur l'époque de Saint-Jean-Baptiste, car je veux écrire le festin d'Hérodiade. Le bon Tourguenieff part ce soir pour Saint-Pétersbourg. Il me demande si je vous ai remercié de votre dernier livre. Serais-je coupable de cet oubli ? Vous verrez, par histoire d'un cœur simple, où vous reconnaîtrez votre influence immédiate, que je ne suis pas si entêté que vous le croyez. Je crois que la tendance morale, ou plutôt le dessous humain de cette petite œuvre, vous sera agréable. Adieu, cher bon maître. Amitié au vôtre. Je vous embrasse bien tendrement. Votre vieux. Lettre à Tourguenieff. Croisset, dimanche soir, 25 juin 1876. La mort de la pauvre mère Sande m'a fait une peine infinie. J'ai pleuré à son enterrement comme un veau, par deux fois. La première en embrassant sa petite fille Aurore, dont les yeux ce jour-là ressemblaient tellement aux siens que c'était comme une résurrection. Et la seconde en voyant passer devant moi son cercueil. Vous avez raison de regretter notre amie, car elle vous aimait beaucoup. Ne parlez jamais de vous qu'en vous appelant le bon Tourguenieff. Mais pourquoi la plaindre ? Rien ne lui a manqué. Elle restera une très grande figure. Les bonnes gens de la campagne pleuraient beaucoup autour de sa fosse. Dans ce petit cimetière, on avait de la boue jusqu'aux chevilles. Une pluie douce tombait. Son enterrement ressemblait à un chapitre d'un de ses livres. Votre Gustave Flaubert. C'était le cinquième et dernier épisode de Gustave Flaubert, George Sand, Correspondance. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Avec Olivier Clavry, Gustave Flaubert, Chantal Neuwirth, George Sand et la voix de Leslie Lipkins. Musique originale et piano, Quentin Sirjac. Adaptation, Hélène Bleskin. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Remerciements à Anne-Lise Signoret pour la documentation. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Laurence Courtois.